Toujours à l'occasion du 90e anniversaire de la Constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme par le président Kim Il-sung, les bals des jeunes étudiants ont eu lieu le 17 courant dans la capitale comme devant l'Arc de Triomphe et le Palais des Sports de Pyongyang et dans toutes les provinces.